Les rocks les plus sauvages aux chansonnettes sucrées, tout cela fleurait bon la jeunesse et le courant yéyé électrique ou acoustique, révolté ou amoureux, fut le phénomène le plus étonnant de l'histoire de la chanson française. Au cours de l'été 62, Mike Shannon remplace Dick Rivers au sein des Chats Sauvages. Premier 45 tours, premier succès pour la nouvelle formation des Chats Sauvages avec Dernier Baiser. Salut les 60, bienvenue sur Radio Guémozo. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur la plage, par un baiser. Le soleil est plus pâle, mais nos deux corps sont bronzés. Vois-tu qu'après un long hiver, notre amour aura changé. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, les vacances ont duré. Lorsque vient septembre et nos baisers. Spend the night together. Now I need you more. more than ever. Let's spend the night together now. Mama, oh, no, mama, mama, mama. Let's spend the night together. Now I need you, mama, need you more than ever, woman. Let's spend the night together. I'm satisfied, mama, mama. You're an everything, woman. Sur Radio Gémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. C'est une chanson qui raconte une drôle d'aventure qui s'est passée à Boston, en Amérique, quand on a augmenté le prix des tickets du métro. Voici l'histoire d'un pauvre type qui s'appelle Charlie. Un jour il faisait pas très beau. Et il mit 10 sous dans sa poche et embrassa sa famille. Puis il prit le fameux métro. Et il n'est jamais revenu, non il n'est jamais revenu. Son destin reste inconnu. Il sera toujours sur les boulevards de Boston. Non, non, il n'est jamais revenu. Comme il faisait toujours, Charlie paya les 10 sous pour aller à sa station. Mais hélas, le receveur voulait encore 5 sous. Charlie ne put quitter le wagon. Et il n'est jamais revenu, non, il n'est jamais revenu. Son destin reste inconnu. Il sera toujours sur les boulevards de Boston. Non, non, il n'est jamais revenu. Toutes les nuits, Charlie reste sous le tunnel, criant qu'est-ce que je deviendrai. Je ne pourrai plus voir mes parents, ni ma femme, ni mon pauvre petit bébé. Et il n'est jamais revenu, non il n'est jamais revenu. Son destin reste inconnu. Il sera toujours sous les boulevards de Boston. Non, non, il n'est jamais revenu. Si jamais vous voulez un jour visiter Boston, c'est au métro qu'il faut aller. Tous les jours à midi, on voit la femme de Charlie lui passer son déjeuner. Et il n'est jamais revenu, non il n'est jamais revenu. Son destin reste inconnu. Il sera toujours sur les boulevards de Boston. Non, non, il n'est jamais revenu. Non, non, il n'est jamais revenu. Non, non, il n'est jamais revenu. Un endroit à visiter, le métro de Boston, c'était Hélène, une jeune et jolie américaine venue tenter sa chance en France. Et le tout, c'était en 1964. Adaptation contre version originale au sommaire de Salut les 60, eh bien, nos trois matchs. Nous évoquerons également le hit parade de septembre 1963 et Brenda Lee sera l'invité de notre rubrique Le coin du spécialiste. Voilà, en gros, ce que vous pourrez retrouver si vous décidez de rester en notre compagnie et sur Radio Gémozo.

plus attendre. Je dois comprendre que c'est la vie. Tourner la page, je l'envisage. Après l'orage, tout est fini. Te dire mille bêtises, mille sottises, oublie tout ça, qu'ils me comprennent, qu'ils me reviennent, et qu'ils me prennent au bon procédure. Traverser les modes et les époques avec beaucoup de talent. Dalida, tu peux le prendre, et le tout c'était en 1961. Dans ce genre de situation, il donne en général de bons conseils. Ronnie Bird sur Radio Gémozo, n'écoute pas ton cœur. Je sais où vont tes rêves, si loin de mes rêves. Je sais. N'écoute pas ce que ton cœur te dit. Ne te retourne pas, le passé s'est enfui. N'écoute pas ce que ton cœur te dit. Je vais pour calmer ta peine, là où tu m'emmènes. Je vais. N'écoute pas ce que ton cœur te dit. Il t'a fait trop de mal, ne repense plus à lui. N'écoute pas ce que ton cœur te dit. Métro, boulot, dodo, pour Claude François, en cette année 1964, chaque jour, c'est la même chose. Chaque jour, c'est la même chose, oh, oh, oh. Chaque jour, c'est la même chose, oh, oh, oh. La vie n'est pas toujours rose, oh, oh, oh. Chaque jour, c'est la même chose. pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-les-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Le jour, la nuit, le jour opposé pour ce premier match à l'original interprété par les Kings sous le nom All Day and All of the Night. Les Lionceaux ou les Kings sur Radio Guémozo, c'est à vous de choisir. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night time yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night time yours, leave me never. To be with you all of the time, all day and all night. kitchen and rattle those pots and pans. Yeah, get out and out of the kitchen and rattle those pots and pans. And I'll roll my breakfast, cause I'm a hungry man. I say shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. You gotta shake, rattle and roll. You better shake, rattle and roll. Well, you won't do nothing to save your doggone soul. Wearing those dresses, your hair done up so nice. Yeah, you're wearing those dresses, your hair done up so nice. Well, you look so warm, but your heart is cold as ice. Lay shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. You better shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. Yeah, you won't do nothing to save your doggone soul. How about you know now? Go! Salut les 60, bienvenue sur Radio Guimauzo. Nous allons en quelques titres découvrir un hit parade de l'époque. Je vous l'ai dit en début d'émission, c'est en août 1962 qu'il a quitté les Chats Sauvages pour se lancer dans une carrière solo. Dick Rivers occupe en ce mois de septembre 1963 la 40e place du hit parade avec Mais oui bébé. Mais oui, baby, fou de fou, oh, oh. Mais oui baby, je suis fou pour vous deux. M'arrêter, me décourager, ni vous ni personne ne pourra s'opposer à mon amour. Vous pensez, oui je sais, mais oui baby, je suis fou pour vous. Mais oui baby, vous deux fous pour vous. Mais oui baby, je suis fou pour vous de vous. En ce mois de septembre 1963, Giscard d'Estaing lance un plan de stabilisation des prix et le Sugar Shack de Jimmy Gilmer se stabilise à la 32e place du hit parade. There's this crazy little shack beyond the tracks. And everybody calls it the Sugar Shack. It's just a coffee house and it's made out of wood. Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason why I've gotta get back up to that Sugar Shack. Oh yes, to that Sugar Shack. There's a cute little girlie, she's a working there. Black leotards and her feet are bare. Some trash. You can understand why I've gotta get back up to that Sugar Shack. Oh yes, to that Sugar Shack. Yeah, honey, to that Sugar Shack. Oh yes, to that Sugar Shack. Now that Sugar Shack queen is a married to me, yeah. We just sit around and dream of those old memories. Just me and her, yes, we're gonna go back up to that Sugar Shack. Whoa, up to that Sugar Shack. Oh, yes, to our Sugar Shack. Yeah, honey, to our Sugar Shack. Oh, yes, to our Sugar Shack. Sweet and Chant, joué des milliers de fois sur scène, un titre composé d'ailleurs par les Isley Brothers, a été enregistré en une seule prise, John Lennon devenant complètement aphone. Les Beatles rentrent en ce mois de septembre 1963 à la 28e place du hit parade. You got me going now, got me going. Just like a New York.

chagrin d'amour, le premier chagrin d'amour. Par des chansons, par des paroles, les amis nous consolent. Ils savent bien que le chagrin est moins lourd partagé en commun. Et comme le nuage passe et puis s'efface devant l'amour, il disparaît, il disparaît. Mon premier chagrin d'amour, il disparaît, il disparaît. Mon premier chagrin d'amour, mon premier chagrin d'amour, mon premier chagrin d'amour. Son premier chagrin d'amour, c'est en 1964 que France Gall l'a connu. Adaptation contre version originale, la musique sur Radio Guémozo s'écoute en deux versions avec tout d'abord Sylvie Hortan. Les vacances sont terminées, mais puisqu'on s'est tous retrouvés autour du même électrophone, comme on l'a fait l'été dernier, par des tweets et des Madison, on va rapprocher l'été. Et puis nous deux, on va s'aimer, tout comme l'été dernier. Que les vacances sont terminées, mais puisqu'on s'est tous retrouvés, allez, ce soir on va danser. Faudrait-il tout changer? On va faire comme l'été dernier. Ouais! Moi, je veux pouvoir t'embrasser comme je l'ai fait l'été dernier. Je veux te tenir bien serré, ne veux jamais te quitter. Ne me dis pas que tout va changer, on va tout oublier. Je vois déjà qu'ils sont là pour toi, tous les temps de nous de l'envoi. On va danser toute l'année et dans l'ambiance retrouvée, on va s'aimer et s'amuser tout comme l'été dernier. Comme l'été dernier, après la version française, bien la version originale, Nancy Perry, c'est dans le répertoire de Tubby Shaker que nous allons la retrouver. Dancing, party tonight.

Il est tout pour moi. Il est tout pour moi, je suis tout pour lui, et ça durera toute notre vie. N'aimer qu'une fois, c'est encore possible aujourd'hui. Oui, oui, oui, oui. Il a ses défauts, et moi j'ai les miens, mais on fait ce qu'il faut, et on s'entend bien. Il est tout pour moi, loin l'un de l'autre, nous ne sommes rien. Les jours auront beau passer, l'amour est tellement fort qu'il ne pourra se briser. Oui, il durera encore. Les jours auront beau passer, notre amour est tellement fort. Oui, il durera encore. Être dans ses bras, le jour et la nuit, entendre sa voix, ne penser qu'à lui. Voilà mon bonheur, car il est la joie de mon cœur. Il a ses défauts, et moi j'ai les miens, mais on fait ce qu'il faut, et on s'entend bien. Il est tout pour moi, loin l'un de l'autre, nous ne sommes rien. Oh, yeah, yeah. Il va nous parler de Miss Blue Jim juste après Michel Polnareff. Je vous dresserai un portrait musical de Brenda Lee, l'une des reines du rock'n'roll américain avec Wanda Jackson et Connie Francis. Excellent après-midi sur Radio Gémozo. Brenda Lee sera donc l'invitée de notre coin du spécialiste. Sur Radio Gémozo, la légende en musique. Dali est né le 11 décembre 1944 dans la banlieue d'Atlanta, ville de l'état de Géorgie aux USA. Particulièrement précoce, elle gagne un crochet à l'âge de 5 ans. Son père, qui exerce le métier de charpentier, meurt dans un accident du travail en 1952. Mandali décide alors d'intensifier ses activités de chanteuse afin d'aider financièrement sa mère. Mandali a alors 8 ans. En 1955, le chanteur Wade Foley, superstar de la musique country, est totalement séduit quand il voit et entend Brenda Lee chanter Jimbalaya au cours d'un spectacle à Augusta. Wade Foley invite la jeune chanteuse dans son émission de télévision qu'il anime sur la chaîne ABC. L'artiste et sa mère décident d'habiter Springfield et pour Brenda Lee, ce sera le point de départ d'une carrière fabuleuse. Début 1956, elle enregistre un 45 tours sans grand succès pour la marque Apollo. Les choses ne deviennent sérieuses discographiquement sans temps quand elle signe chez Decca. Le 17 septembre 1956 sort le premier 45 tours chez Decca de Brenda Lee sur lequel elle reprend Jimbalaya, qu'elle transforme sans difficulté en pur rock'n'roll. Le 12 avril 1957, elle enregistre Dynamite. Cet excellent rock lui vaudra d'ailleurs le surnom de Little Miss Dynamite. Un surnom pas usurpé du tout, tant le style de Brenda Lee est explosif. La discographie de Brenda Lee est parsemée de tubes. Star internationale à l'âge où elle aurait pu se contenter de jouer à la poupée, Brenda Lee d'ailleurs est au rock'n'roll, ce que Roberto Benzi est au classique. Brenda Lee, qui n'a jamais cessé de chanter, est devenue une grande dame de la chanson. Mm-hmm. secret, baby, I keep 'em to myself. Sweet nothing. Sweet nothing. We walk along hand in hand. Baby, give me that special look. Sweet nothing. Sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Ne quittez pas la musique continue. Restez branchés.

my apology, but love is blind, and I was too blind to see. Radio Guimauzo, le ton des yéyés, le meilleur des 60s. Et le temps ne pourrait rien changer. Pour savoir. te plaire pour t'avoir dans mes bras. Dis-moi ce qu'il faut faire, car je suis tout de toi. Oui, mais moi je sais quand même que pour toujours je t'aime. Je t'adore malgré tous tes défauts. Je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Dans mon cœur en fait, chérie, on n'attend plus que toi. J'ai tant d'amour en tête que je ne peux pas garder ça pour moi. Tu m'as dit je t'aime, de joie j'en deviens fou. Au diable les poèmes, j'ai trouvé bien pour vous. Donne-moi tes lèvres. Tant pis si j'ai la fièvre. T'adorer ce n'est pas un défaut. Non, je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Monsieur Eddie Mitchell et les chaussettes noires, je t'aime trop. Troisième et dernier match, troisième et dernier choix pour vous sur Radio Gémozo avec Johnny Hallyday pour la version française. Quand tu es loin, je m'ennuie. Quand tu Petit clown de ton cœur. Après la version française, voici le Kitty's Clan des Everly Brothers. Voici donc la version originale. I hear this sound.

pas sans regret faire mon avenir avec lui que j'aimerai toujours. Non, non, non, non, non, non. Agnès Lotti, je pars sans gré, nous allons partir d'ailleurs sans gré. Et quant à vous, eh bien, n'oubliez pas notre rendez-vous hebdomadaire le lundi à partir de 15h et le dimanche dès 10h pour la rediffusion de l'émission. Notez également notre adresse internet radiogemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. Excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Gemozo. Merci de nous avoir tenu compagnie. I once was lost in sin, but Jesus took me in. Better than a little light from heaven filled my soul. Then he made my heart in love and wrote my name above. Well, just a little talking with my Jesus gonna make me run. Talk to Jesus, I tell him all about the troubles. You will hear our famous cry, he will answer. So well, when you will feel a little fire will turn, and you will know a little fire burn, you will find a little talk with Jesus, makes it right. Oh, you may have doubts and fears. Your eyes be filled with tears. Oh, now my Jesus is a friend who watches day and night. Well, he wrote my name above, and he made my heart in love. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it right. Please let us tell him all about our trouble. Now he will. He'll hear our faintest cry. You know he will. By and by. Now when you feel a little prayer wheel turning, and you know just a little fire is a burning. Let us have a little talk with my Jesus, gonna make it right. Jesus gonna make it right. Now let us have a little talk with my Jesus. Please let us tell him all about our trouble. He will hear our faintest cry. And you know he will answer by and by. Now when you feel a little prayer wheel turn, and then in the hand I know a little fire is a-burning. Now let us have a little talk with my Jesus. Jesus gonna make it right. Thank you. We'll be right back.